Découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Vous écoutez Vivacité, les 8h30. Vivacité. Le journal des sports. Présenté ce matin à mes côtés par Mickaël Menten. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. On démarre évidemment avec l'Euro de football et ce match vérité pour les Diables Rouges, c'est cet après-midi. Ouais Steve, gagner pour oublier, une entrée ratée, c'est un petit peu la devise. Hein. Aujourd'hui, les Diables Rouges affrontent l'Irlande pour leur deuxième match dans le groupe E. Un match crucial pour les hommes de Mark Wilmots face à une équipe largement à leur portée. L'Irlande, c'est la 33e nation mondiale qualifiée grâce au barrage. Et quand on analyse un peu l'équipe, la plupart des joueurs évoluent soit en Première Ligue, soit en Division 2 anglaise. Mais Axel Witsel reste prudent. Pour lui, il faut quand même se méfier des Irlandais. Je pense que l'équipe d'Irlande sont physiquement très costauds et ça n'arrête pas de courir. Donc ça va vraiment être une guerre. Et c'est clair, comme on a perdu le premier match, on s'est mis en danger. Donc maintenant, on n'a plus le choix que d'arracher une victoire. Justement, une bonne entame de tournoi, ça aide à se libérer pour la suite. Ça veut dire qu'ici, vous allez être un peu crispé contre l'Irlande ? Non, crispé, je pense pas. Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe. La plupart des joueurs jouent tous dans des grands clubs et sont habitués à jouer sous pression chaque week-end. Donc on a cette expérience-là pour pouvoir gérer ce match au mieux. Axel Witsel interrogé par Manuel Jousse. Les Belges qui sont théoriquement plus forts sur papier. Mais attention, du côté irlandais, on ne part pas vaincu d'avance. Le sélectionneur irlandais Martin O'Neill attend beaucoup d'engagement de la part de ses joueurs. Je vous propose de l'écouter. In terms of the approach, in terms of the way we approach the game, hopefully it'll be the same type of approach. En termes d'approche et de motivation, ce sera similaire. En termes de stratégie, ce sera un peu différent, car les jeux de la Belgique et de la Suède sont tout à fait différents. Au niveau de la Belgique, ce sont tous des joueurs de haut niveau. Il faudra donc en tenir compte. J'attends de mes joueurs qu'ils jouent avec confiance quand ils seront en possession du ballon. Ils l'avaient très bien fait face à la Suède et j'espère que ce sera pareil face aux Belges. Il faudra aussi être prêt mentalement, car on ne peut pas se permettre de perdre notre concentration pendant 15 minutes. D'autres équipes peuvent peut-être se le permettre, mais pas nous. Mais mes joueurs ont toujours été présents mentalement durant les matchs ces derniers mois et je ne vois pas de raison qu'on n'en soit pas capable contre la Belgique. C'est Thibaut de Planck qui s'est mis à l'anglais pour du coup. Revenons à présent sur nos chances d'être qualifiés, Mickaël. Elles se sont un peu accentuées hier grâce à la victoire de l'Italie 1-0 contre la Suède. Ouais, une victoire qui sonne comme une bonne nouvelle pour les Belges. Ils ne peuvent plus terminer premier de leur groupe, mais même en cas de défaite contre l'Irlande cet après-midi, ils ne seront pas automatiquement éliminés. Alors que pensent les supporters de nos chances de qualification ? On le sait, la défaite la semaine passée contre l'Italie en a refroidi plus d'un. Gaëtan Van Kerkhove est allé prendre la température dans un quartier général d'un club officiel 1895. Je crois qu'on a tous peur avec les joueurs qu'on a. C'est pas normal qu'on perde contre l'Italie déjà. Donc il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. On va pas mettre tout sur l'entraîneur. Il y a des choix comme Lukaku qui est un très bon joueur, mais c'était pas lui à jouer contre l'Italie. Moi je dois pas avoir peur, c'est l'équipe belge qui doit avoir peur. Parce que s'ils jouent comme ça, ils vont jamais se qualifier. Hein. Ce serait vraiment dommage en tant que numéro 2 mondial d'être sorti après le deuxième match. Ce serait quand même ridicule de perdre contre l'Irlande. Je pense que même si on fait encore un match nul contre l'Irlande, ce serait une contre-performance. Mais si on bat encore les Suédois après, on peut passer et après tout est encore possible. Des supporters un peu mitigés. Hein. Et puisqu'on parle de supporters, justement, Steve, notons que la couleur verte sera beaucoup plus présente dans le stade aujourd'hui que le noir, le jaune et le rouge, et puisqu'on attend sur place 20 000 Irlandais pour 12 000 Belges à Bordeaux. Ambiance. Un mot sur la météo également, qui sera encore capricieuse aujourd'hui à Bordeaux, justement. Il y a eu pas mal d'orages hier, il y en aura encore aujourd'hui. Je vous rappelle que Belgique-Irlande, c'est à 15h, et c'est à suivre sur tous les médias de la RTBF. Et puis, dans les autres matchs quand même de la journée, à 18h, l'Islande affronte la Hongrie. Et puis à 21h, le Portugal défiera l'Autriche. On reste à l'Euro. Hier, après l'Italie, l'Espagne s'est aussi qualifiée pour les huitièmes de finale. L'Aurora a facilement battu une Turquie très fragile hein, depuis l'entame de cet Euro. Score final pour la sélection de Del Bosque 3-0. Un peu plus tôt, la Croatie et la République tchèque ont partagé l'enjeu de partout. Les Croates qui menaient 2-0 à l'heure de jeu. Mais plusieurs incidents dans les tribunes de leurs supporters ont fait complètement basculer la fin de match. On passe à l'athlétisme, il n'y aura pas d'athlète russe au JO de Rio. Non, le conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a confirmé hier la suspension de la Russie, malmenée par des scandales de dopage. Une décision nécessaire selon l'entraîneur belge Jacques Borlée. Écoutez. C'était fondamental de montrer que l'athlétisme a envie de revenir sur ses propres valeurs. Et l'athlétisme est un sport d'excellence absolue et qui est terriblement éducatif. Et on ne pouvait pas continuer dans cette dérive terrible du dopage. Maintenant, c'est un signal très clair vers de nombreux athlètes. En plus de ça, ce qui se passe avec l'olympisme, où on remonte en 2008 et en 2012, et on montre les athlètes qui étaient dopés il y a 8 ans ou 4 ans, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien pour le sport. Jacques Borlée, joint par David Bertrand hier. On termine par le tour de l'actualité en bref, avec tout d'abord du hockey. La Belgique disputait le Champions Trophy à Londres cette semaine, tournoi réunissant les 8 meilleures équipes du moment. Les Red Lions ont battu la Corée hier 4-3. Ils terminent 5e du tournoi. En sport moteur, le départ des 24 heures du Mans sera donné tout à l'heure à 15h précise. Duel attendu entre les Audi et les Porsche qui seront difficiles à battre cette année. Et puis en tennis, David Goffin s'est incliné en 2-7 hier face à Roger Federer en quart de finale du tournoi de Halle sur gazon. Score final 6-1-7-6. En demi-finale à Halle, le Suisse sera opposé au jeune Allemand de 19 ans, Alexander Zverev. En lice pour remporter 9e fois ce tournoi de Halle sur le gazon allemand. Merci beaucoup Michael Menten pour ce journal des sports complets. Dans un instant, on ouvre les portes de la cuisine pour la foire aux questions aujourd'hui. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29€ par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, moins 30% sur des milliers d'articles printemps-été chez Espace Mode. Nocturne le vendredi 17 jusqu'à 20h et ouverture le dimanche 19 de 10 à 17h. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Jusqu'au 18 juin, chez Big Mat Malmedy, venez découvrir nos actions de printemps. En plus du service et des conseils, vous profitez de conditions incroyables pour tous vos projets d'aménagement extérieur. Des planchers de terrasse à moins 20%, des pierres naturelles à moins 20%, des graisses et rames série béton en 60 par 60 avec 16 mm d'épaisseur à 29€ du mètre carré et de nombreuses nouveautés en carport, palissade et jeux de jardin. Big Match Yabodarwe, à l'entrée de Malmedy, bien plus que des matériaux. Jusqu'à 10h30, en cuisine, avec Steve Delaunoy et Candice Cotter. Bonjour chers amis, bonjour ma chère complice. Bonjour Steve, bonjour tout le monde. Annoncez à nos amis une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière émission de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura le plaisir de vous retrouver, chère Candice, tous les samedis depuis les étapes du Beau Vélo de Ravel. Oui, donc c'est la dernière, mais en même temps, la semaine prochaine, on est dans la version estivale dans Cuisine. Ouais. Et dès septembre, on est de nouveau avec on vous. On est de nouveau, voilà. Donc, mais ne nous projetons manière, pas trop loin quand même. J'ai envie de dire, fêtons quand même. Oui, mais fêtons quand même. Mais objectif, samedi prochain, la Calamine. La Calamine, effectivement, où on vous accueillera avec Olivier Coll et évidemment l'incontournable Adrien Jovenot. Avec, si vous avez envie, vos cyclistes bien moulants, du fluo. Affûtez vos mollets. Affûtez le mollet. Le juste au corps, limite un peu brillant. Et alors, le petit pain du petit déjeuner, et on est prêt, on monte sur les vélos. Saurez-vous reconnaître ce type de profil une fois arrivé à la Calamine, cher Candice? Il y a des chances. Ah, vous étiez à l'écoute samedi dernier. Vous vous êtes habillé en fonction. Bon, donc la première étape. Moi, personnellement, du j'aurais mon cinglé rose, mon collant fuchsia, j'aurais la totale. Non, je plaisante. Ah. Non, je suis enceinte, je peux pas. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir. Vous dites ça devant témoin, c'est dommage. Et je suis pas le seul, on est beaucoup à l'écoute ce matin. Non, non, mais non. C'est un peu le principe de d'une émission de radio. Non, mais c'était pour rire. C'était pour rire. On a dit que c'était pour rire. Bon, Candice donc en direct de la Calamine avec Olivier Cole pour une spéciale estivale. Ça démarre donc samedi prochain depuis l'étape du beau vélo de Ravel. Et donc, pour terminer cette saison en phase classique dans Cuisine, une foire aux questions pour vous lâcher complètement. Une foire aux questions pour pouvoir répondre à un maximum de vos envie. Alors, on va parler sucré, salé, apéro, barbecue. Si vous avez envie de petits desserts qui changent, qui sont un petit peu plus jolis, réalisés sur assiette, etc. parce que vous avez envie de recevoir. Si vous avez envie de vous faire un petit bricolage gourmand avec les enfants, de la crêpe en passant par la glace, en passant par le sorbet, en passant par le granité, en passant par la gaufre, en passant par la panna cotta, peu importe, ce qui vous fait envie, des petits biscuits, des machins, on peut aller là-dedans. Vous avez une grosse pièce de viande à cuire, vous ne savez pas quelle température, vous ne savez pas quel temps de cuisson, on est là. Vous avez envie de faire des bocaux, on est là. Ça peut aller dans tous les sens. Si, durant ces dernières émissions, vous n'avez pas eu le temps de noter quelque chose de très important dont Candice a discuté, a parlé, et parce qu'elle, madame, parle trop vite, on n'a pas le temps de noter, ça, on peut revenir. On peut revenir sur ce cas-là aussi. Ça, c'est souvent le cas. Voilà. Ça, c'est un problème. Alors, comment qu'on fait? Eh bien, le 3063 par SMS, évidemment, pour poser vos questions par SMS, je viens de le dire. C'est 50 centimes d'euros le message, ça, je ne l'ai pas dit, avec, évidemment, votre question libellée de manière la plus précise possible. Merci pour qu'on puisse avancer parmi toutes les questions qu'on s'apprête à recevoir aujourd'hui. Et puis à la page Facebook, évidemment. Page Facebook où nous nous retrouvons à... Tenez-vous bien. Je me tiens. Je ne sais pas, on a fait un boom, pouf, comme ça d'un coup, je ne sais pas, sur cette semaine. 34 000 760. Heureusement que j'avais mis du talc pour avoir une bonne adhérence. Je comprends très Sinon, bien. Sinon, je serais tombé. Je comprends très bien. Et même comme ça, c'est limite. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut remettre les mains dans la poussière. C'est maintenant. Bon, mais continuez à grossir le rang de la page Facebook. Page Facebook qui ne sera pas fermée pendant l'été. Hein. Oh, qui sera largement ouverte pendant l'été. Voilà. N'hésitez pas à venir poser vos questions, à venir poser vos interrogations, quels que soient les buffets, envies, repas que vous allez faire cet été. Ça y est, il est reparti. Etc. Il faut m'arrêter un moment. Il faut. C'est la foire aux questions. Attention, c'est parti. 8h30, 10h30, en cuisine. Eh bien voilà, donc le 3063 et puis la page Facebook pour poser vos premières questions. Nous les attendons de pied ferme. Après la pause, c'est Lara Fabian ? Non, sans déconner. C'est Lara Fabian avec son petit nouveau. Lara, Ré, si vous avez une question sur une réocabre, éventuellement, je sais pas. L'association sera appréciée par l'auteur, Lara, Ré. Très bien. On va attaquer Fabian. Alors, c'est quand je ne chante pas, Fabian, après la pause. Chanter, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Pardon. J'arrête. Ah, que fait Candice quand elle ne cuisine pas? Elle dit du mal des artistes. Ce n'est pas vrai. Si, si. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Dis de Vos. Oui, Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein. Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui. À chaque match, j'en ai frit. Oui. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà. De Vos Lemens. À table. Ce samedi, le magazine Victoire fait le plein de soleil et de vitamines. Benjamin Biolay raconte son Buenos Aires. La rédaction partage ses meilleurs plans pour l'été et vous emmène en régate sur un voilier. Vive les vacances actives. Victoire, ce week-end avec le soir, demandez-le à votre libraire. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. C'est plus que jamais le moment de soutenir nos diables qui devront tout donner pour rester dans la compétition. Belgique, République d'Irlande, en direct ce samedi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand ange ne chante pas ma vie, se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses, croisais des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent, mais tous leurs mots s'envolent et leurs rires sonnent sourds. Quand l'écho du silence est votre seul allié, c'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais. Ça sait tout faire. C'est un petit peu le message délivré par Lara Fabian dans cette chanson nouvelle. Ça, vous me faites le coup parce que c'est la dernière de l'année. Enfin, la dernière de cette saison. Mais moi, j'ai compris cette chanson comme ça, pas vous ? Ça, c'est parce que vous avez envie de faire plaisir. Mais non. Ça, c'est gratuit. Quel était le message de la chanson et pour c'est vous ? Totalement ça. Et c'est accueilli comme ça. Mais oui, c'est vrai. Une absolument. Femme, ça sait tout faire. Mais voilà. C'est bien de le savoir. Oui. C'est bon. Bien de le reconnaître. Quand Candice ne chante pas et ne cuisine pas, elle se pose des questions à elle-même auxquelles elle apporte réponse. Ah, ouais. Donc aujourd'hui, ça ne lui change pas tellement de ses habitudes. Mais... Sauf que les questions, ce n'est pas elle qui se les pose, mais c'est vous. Bon, bonjour Candice, c'est une question de Marie sur Facebook que l'on salue au passage. Je voudrais faire de l'alcool d'avocat, œuf, oui. Lait concentré, mais elle reste liquide. Que puis-je faire ? Ah, c'est la quantité d'œufs qui n'est pas juste. L'avocat, c'est une liqueur à base d'œufs. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Ça fait partie des liqueurs qui ne doivent pas macérer trop longtemps. Et ça, c'est le plaisir de l'avocat. Parce que quand vous faites par exemple du vin de fruits, ça doit macérer. Quand vous faites un alcool de banane, ça doit macérer. Quand vous faites un truc du style vin blanc un peu aromatisé, vous devez laisser macérer ça au moins un mois. Donc on est vraiment dans quelque chose qui prend du temps et qui est ennuyeux. L'avocat, ça n'est pas. En gros, c'est vos œufs, un petit peu de crème et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ça. Donc vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous retrouvez toute la recette de l'avocat sur vivacité.be. Je vais vous la remettre d'ailleurs. Oui. Marie pose la question sur Facebook ? Yes. Eh bien, je vais lui reposter ça directement sur Facebook qu'elles ne doivent pas chercher. Bon, l'avocat, c'est un fruit gras, mais c'est du bon gras. Ah non, c'est de l'avocat qu'elle veut ou l'avocat ? c'est une liqueur d'avocat qu'elle veut ou de la liqueur d'advocate ? C'est pas la même chose. Ah, exactement, oui. Non, alors ça, à mon avis, s'il y avait de l'œuf dedans, c'est de l'advocate. Hein. Ah, mais c'est moi qui dis qu'il y a de l'œuf dedans, parce que j'avais compris que c'était de l'avocate qu'elle voulait. Maintenant, si elle veut une liqueur d'avocat... L'œuf était présent dans sa suggestion. Ah donc, oui, oui, donc alors c'est ça. C'est alors, il n'y a pas de souci, c'est de l'advocate. Oui, oui, tout à fait. Bien. Il y a, d'ailleurs, oui. Que vous pouvez utiliser sur vos glaces, que vous pouvez utiliser... Non, mais vous pouvez utiliser ça en Irish revisité. Vous pouvez utiliser ça en pousse café. Vous pouvez mélanger ça à de la chantilly et vous faire votre propre chantilly aromatisée à l'advocate. C'est honteusement bon, l'advocate. Hein. Ouais. C'est affreux, l'advocate. C'est super traître aussi, parce que comme c'est vachement alcoolisé, on a tendance à boire ça comme du petit lait et c'est là que ça démarre. Quoi. Attention, mais on y arrive. En gros, vous avez besoin d'avoir vraiment une base de jaune 2, donc vos 10 jaunes 2. Vous avez besoin d'avoir du sucre, prenez de l'impalpable, 200, et vous avez besoin d'avoir, moi j'utilise une grande boîte de lait concentré, du non sucré, pour que ce soit quand même plus fluide. Et vous avez besoin d'alcool à 90. Donc que vous allez chercher en France ou Luxembourg, maintenant on en trouve chez Colruyt, chez nous, etc. etc. On ne trouvait plus ça à un moment, puis maintenant on en retrouve. Vos jaunes en ruban, vous ajoutez du sucre, le lait concentré, vous battez, vous terminez par l'alcool, et c'est bon. Moi, j'ai le souvenir d'une étiquette de cette liqueur d'advocate. C'était Boss, non ? Boss, c'est possible. Je pense que c'était la BO2S sur l'étiquette en grand. Mais quoi, genre le Riolet, un truc comme ça ? Non, c'était oui, un Riolet parfumé. Oui, mais c'était la bouteille avec la liqueur jaune à l'intérieur. Ah. Je crois que c'était Boss. Mais ça n'avait rien c'est à voir avec possible. Le Riolet, évidemment. Oui, non. C'était enfin, ça peut se consommer groupe, de la même manière, mais l'effet n'est pas le même. L'effet n'est pas le même, on est bien d'accord. Dans un instant, on va au rayon pâtisserie avec gâteau, pâte à sucre et ganache chocolat. Ça nous met déjà les papilles en alerte. Voici Don't Go Breaking My Heart. C'est Elton John et Kiki Dee. You take the weight off of me. C'était quand même le grand moment de la chanson. Hein. Et on lâche le volant. Mais non, c'est une blague. Ne faites surtout pas ça. Ce serait pas comique. Non, ça serait pas drôle du tout. Ou pas comme ça d'emblée. Merci à Elton John et Kikidi pour cette belle chanson. Merci à Arnaud également sur Facebook d'avoir remis mes souvenirs d'enfance en place. La bouteille de liqueur d'avocat n'était pas Boss, mais Bols. B-O-L-S. Et Steve se mettait derrière le bar chez ses parents et J'étais un as du cocktail. Venez voir le gamin, ce qu'il sait faire. Ah, ça m'a su que c'est fou. Bon. Vous finissiez tous dans un état. Oh, terrible. Comme cette famille. Hein, mais ça, j'en suis sûr. Voilà comment se fait fâcher les avec les siens. Les chiens ne font pas des chiens. C'est ça. Bon. Il y a une réponse plus que attendue pour la question de Marenza. C'est un pseudo sur Facebook. Ça ne s'invente pas. Pourriez-vous me donner une recette de génoise pour un gâteau, pâte à sucre et éventuellement une ganache chocolat, s'il vous plaît? Oui. Alors, une génoise pour gâteau pâte à sucre. En gros, la génoise, c'est un biscuit sans beurre. Donc, vous avez besoin d'avoir la même quantité de farine, la même quantité de sucre, 120 grammes. Donc, 120 grammes de farine, 120 grammes de sucre. Et pour cette proportion-là, vous avez besoin de 4 œufs. Donc en gros, il y a 3 ingrédients. Allez, une petite pincée de sel en plus. Vous devez avoir un four qui préchauffe à 180. Vous devez séparer vos blancs de vos jaunes. C'est important pour que la génoise soit bien aérée d'avoir des blancs en neige. Vous faites votre ruban. Donc vous mélangez vos jaunes, vos 4 jaunes, avec votre sucre, vos 120 grammes de sucre. Vous le mélangez bien, ce mélange. Si vous ne le mélangez pas bien, vous allez avoir une génoise qui va retomber platement au sortir du four et qui va avoir tendance à s'assécher. Qu'elle retombe, à la limite, ce serait moins grave, mais qu'elle s'assèche et qu'elle durcisse, comme c'est le cas des génoises qui sont, on pense, de mauvaise qualité, mais c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, c'est simplement qu'elles sont mal battues à la base. Et bien donc, à ce moment-là, vous allez avoir un problème. Donc, bien fouetter jaune et sucre. 4 minutes montre en main, mettez la minuterie au batteur électrique. Ça doit mousser un peu. Ça doit blanchir, mousser, gonfler, doubler de volume, on doit avoir un truc vraiment beau. Vous incorporez à ce moment-là la farine à la spatule, donc doucement, mélangeant bien, vous mettez de côté, et puis vous montez vos blancs en neige bien ferme, petite pincée de sel, et vous ajoutez délicatement, d'abord la première cuillère, toujours le même principe, vous mélangez, vous remettez le reste de vos blancs en neige, vous mélangez, et alors, c'est ça l'astuce, vous prenez votre plaque de four qui n'a pas préchauffé avec le four, la plaque de four doit être froide, vous la tapissez d'une feuille de sulfu, d'une feuille de papier cuisson. Vous versez votre pâte à génoise par-dessus, 12-15 minutes au four selon la puissance de votre four, chaleur tournante ou pas, et on essaye de la cuire à la chaleur tournante. C'est juste qu'il y a des fours qui sont plus vieux et qui sont un peu moins forts. Et quand elle sort, cette génoise, pour pouvoir la démouler facilement, vous déposez dessus un essuie, un torchon propre, légèrement humidifié sur votre génoise, ça va faire de la vapeur. Vous n'avez qu'à transvaser la génoise, ça avec son papier cuisson, quoi, sur le torchon, vous la recouvrez, vous recouvrez le biscuit d'une seconde feuille de papier cuisson et vous allez rouler simplement le tout et vous allez voir qu'en enlevant le torchon d'en dessous, la génoise, elle va se décoller de son papier cuisson sans aucun problème. Vous aurez une génoise prête à l'emploi si vous avez envie de faire un esprit roulé. Si vous avez envie d'en faire un gâteau que vous allez couper dans sa hauteur pour le recouvrir ou lui insérer une ganache n'importe, comme c'est probablement le cas ici, alors à ce moment-là, c'est le même principe. Votre cuisson, vous la poussez simplement à 23-25 minutes pour que dans la hauteur, la génoise soit cuite. Vous piquez pour être sûr. Et ganache chocolat. Oui, voilà, c'est dans la même question. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Une ganache chocolat, c'est une proportion de crème pour une proportion de chocolat. Vous chipotez la proportion de crème, plus ou moins, selon la texture que vous souhaitez obtenir. Pour que ce soit quelque chose de suffisamment fluide, vous avez besoin d'une proportion de chocolat, 100 grammes, pour deux proportions de crème, 200 millilitres. Crème, c'est crème épaisse, c'est crème à fruiter, c'est difficile de s'y retrouver. Hein. C'est, tout à fait. C'est crème fraîche, liquide, à 30 ou 40%, donc de la non-light. Vous faites bouillir cette crème dans un poêlon et vous la versez sur votre chocolat en petits morceaux dans un bol. Vous patientez 5 minutes et vous mélangez. Votre ganache, elle est faite. Donc ça ne demande rien à une ganache. Vous pouvez la parfumer si vous voulez avec un peu d'extrait comme vous le souhaitez selon votre gâteau. Et ça, vous n'avez qu'à laisser refroidir, étaler. Elle va durcir en refroidissant, gardez-le à l'esprit, elle va se figer un peu. Donc ça, c'est une proportion qui est passe-partout. Et comment on garde l'aspect brillant d'une ganache? Alors ça, c'est différent. Si vous avez envie de faire un miroir, un chocolat miroir sur votre gâteau, donc là, c'est un chocolat de couverture, vous avez besoin d'avoir la même proportion de crème que de lait. Donc vous avez par exemple, prenez 100 ml de crème pour 100 ml de lait sur vos 100 g de chocolat. Donc coupez la proportion de crème en deux pour avoir la moitié lait, moitié crème. Et vous devez ajouter du beurre là-dedans. Vous avez besoin d'ajouter 35-40 g de beurre fondu. C'est ce qui va vous donner le brillant. Et là, vous pouvez simplement poser votre gâteau sur une grille avec une plaque en dessous, avec un papier sulfureux, que ce soit pas trop délicat à nettoyer par la suite. Et vous laissez couler votre chocolat miroir par-dessus, bien le recouvrir. Et vous n'avez plus qu'à laisser sécher et vous allez avoir quelque chose qui va rester tendre au doigt. On n'est pas dans quelque chose qui fige, on est dans quelque chose qui est vraiment le vrai miroir chocolaté, comme on aurait un miroir fruité sur un bavarois, donc ça va rester collant au doigt et c'est ce qu'on veut. Allez, d'autres questions à venir au 3063 par SMS, 50 centimes d'euros, l'envoi et puis la page Facebook. On vous attend dans la deuxième partie de l'émission. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vous écoutez Vivacité, les 9h. Un peu moins de pression sur les épaules des Diables Rouges, mais une victoire contre l'Irlande cet après-midi serait la bienvenue. Thierry Uthers nous dira dans un instant quels pourraient être les changements opérés par Mark Wilmots. Les supporters croisent les doigts. Certains iront voir le match dans un pub irlandais. Ambiance garantie, selon le patron d'un de ses bistrots à Bruxelles. Les Diables qui restent les favoris dans les agences de Paris. Nous verrons quelle est leur cote. Nouvelle grande opération antiterroriste menée cette nuit à Bruxelles notamment. 40 nuits ont été perquisitionnées. Une dizaine de personnes arrêtées. Des concerts gratuits partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les fêtes de la musique ont démarré hier soir. À Namur, les artistes se sont produits dans des lieux insolites. On s'informe en compagnie de Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Steve, bonjour à tous. On ressort les écharpes, les chapeaux diaboliques et le maquillage noir-jaune-rouge. Deuxième match des Diables à l'Euro cet après-midi, match face à l'Irlande. Ce qui est sûr, c'est que du côté des supporters, on est un peu refroidi après la défaite de lundi. Je le sens pas, personne le sent en fait. Je le souhaite, mais je le sens pas. Ben nous on est confiants, comme on a toujours confiance en eux, voilà, on va continuer, c'est pas parce qu'on a eu une défaite. C'était peut-être un jour sans, il y a des jours sans aussi, ça peut arriver à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux hommes de Mark Wilmots qui peuvent encore décrocher la deuxième place de leur groupe E. Le match contre l'Irlande est en théorie largement à leur portée. Alors la question que tout le monde se pose ce matin, c'est qui montera sur la pelouse du côté des Diables tout à l'heure. On rejoint à Bordeaux Thierry Luthers. Bonjour Thierry. Bonjour Nathalie. Thierry, dites-nous, est-ce que vous avez réussi à recueillir quelques infos sur la composition? Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements? Alors, Mark Wilmots n'a pas dévoilé évidemment officiellement sa sélection hier en conférence de presse au Grand Stade de Bordeaux. Il a néanmoins confirmé que des changements, il y en aura par rapport au match inaugural perdu face à l'Italie. On se perd un petit peu en conjecture, mais on pourra voir quand même une mini-révolution avec la relégation sur le banc de Kevin De Bruyne, une des grandes stars évidemment de notre équipe, mais qui avait été relativement transparent, il faut bien le dire, la semaine dernière à Lyon. Dès lors, Eden Hazard pourrait être placé au cœur du jeu dans l'entrejeu. Et sur les flancs, on devrait retrouver Yannick Carrasco et Dries Mertens, deux joueurs techniques, rapides, virevoltants. C'est ça que Wilmots veut voir avec du jeu, avec la balle au sol face au solide gabarit défensif irlandais. Autre point d'interrogation, qui va jouer centre avant? Est-ce que Lukaku va être maintenu ou est-ce que c'est l'heure de Benteke? Et puis en principe, Meunier devrait relayer au poste d'arrière droit Laurent Simon, car le Brugeois a un profil plus offensif. Vous l'avez dit, en théorie, les Irlandais, c'est une équipe tout à fait à la portée des Diables Rouges. Ils évoluent dans des clubs anglais, certes, mais pas du top niveau. On verra évidemment si les Belges ont à cœur, et on l'espère, de se racheter après leur piètre prestation de la semaine dernière. On l'espère en effet. Merci à Thierry. On vous retrouve évidemment en direct tout à l'heure sur Vivacité avec Manuel Jousse. Si vous ne savez pas encore où aller voir ce match Belgique-Irlande, pourquoi pas dans un pub irlandais? Geoffroy Fabré s'est rendu au Kitty O'Shea, un pub irlandais situé à deux pas de Schumann à Bruxelles. Il y a rencontré le patron, un Irlando-Péruvien très enthousiaste. Trois télévisions, deux écrans géants, des drapeaux aux couleurs de toutes les équipes de l'Euro. Au Kitty O'Shea's, tous les matchs sont diffusés. C'est très très important, d'abord parce que le football, dans la mentalité irlandaise et britannique, c'est comme une religion. Et pour le business, c'est ce qu'il y a de mieux. Au bar, on trouve de la Kilkenny évidemment, mais aussi de la Guinness et un tas de bières belges. Le patron espère d'ailleurs voir beaucoup de supporters belges cet après-midi. Les Irlandais, ils aiment bien fêter, ils ne cherchent pas de problèmes, ils aiment bien boire, chanter. Même s'il perd, pour eux, c'est une bonne occasion de boire. Et c'est une belle ambiance. Le foot, un bon prétexte de fête pour les Irlandais. Ils ont d'ailleurs un petit secret pour mieux tenir la bière. Dans les pubs, on sert aussi à manger. Des hamburgers, des ribs, des fish and chips. Chez les Belges, quand on va dans un café, on trouve du fromage et du salami ou des petits trucs comme ça. Donc on ne peut pas boire trop. L'effet de manger bien, ça aide à boire plus. Quant au score du match, difficile à dire pour ce patron un peu tiraillé. Mon cœur, il est moitié péruvien, moitié irlandais. Mais si je dois deviner un score... Je dirais que ça va se passer 1-1 ou 2-1 peut-être pour la Belgique. Mais j'aimerais bien que la Belgique gagne quand même. Mais pas de trop. Et certains vont parier sur ce match. 3 millions d'euros de mise rien que pour le week-end dernier. L'euro de foot, c'est aussi no ban pour les agences de Paris. Quelle est la cote des Belges pour le match de cet après-midi? Pour le savoir, Dominique Delal et Stéphane Crombin ont poussé la porte d'une agence de Paris. Sur un écran tactile, les propositions défilent. Tous les matchs semblent intéresser ce parieur. Aujourd'hui, c'est plutôt celui des Diables Rouges. Pour la Belgique, on a une cote de 1,77. Donc, admettons une mise de 5 euros sur la Belgique, bah, ça nous rapporterait sûrement ici 10 euros. Pour l'Irlande, une cote de 4,50, ce qui est donc ici ne part pas favori. Je vois aussi que la mise peut être remboursée, et notamment s'il y a un partage. Donc, en fait, si justement c'est un pari entre guillemets combiné, si la Belgique gagne, vous avez une cote de 1,30, et si c'est un match nul, bah, vous êtes remboursé tout simplement. Des paris combinés et tellement d'autres. Plus de 200 différents sur un seul et même match. Camille Delaine, c'est la responsable produit d'une société de paris. Elle pense déjà au match suivant. Quand il y aura la Belgique contre la Suède avec Ibrahimovic, est-ce que Ibrahimovic se fera siffler pour un pénalty ou des paris dans ce genre-là? Et si les propositions ne suffisaient pas, un joueur peut suggérer d'autres paris. Si un joueur nous téléphone et nous propose un type de pari ou qu'il le propose à un des gérants d'une de nos agences, ce sera évidemment relayé au siège social qui prendra en compte la proposition du client Ladbrokes, bien sûr. Les paris sont réglementés. Toute société qui détient une licence est soumise au contrôle de la commission belge des jeux de hasard, présidée par un magistrat. Et le match Belgique-Irlande, je le rappelle pour les distraits, c'est cet après-midi à 15h. Match à suivre sur tous les médias de la RTBF. Je rappelle aussi les autres matchs de la journée. À 18h, l'Islande affronte la Hongrie. À 21h, le Portugal défiera l'Autriche. Hier, l'Espagne a battu la Turquie 3-0. La République tchèque et la Croatie se sont quittés sur un partage 2-2. C'est une information RTBF. Une vaste opération antiterroriste a été menée cette nuit à Bruxelles, mais aussi en Flandre et en Wallonie, Lionel Denebourg. Oui, une quarantaine de lieux perquisitionnés, principalement à Bruxelles-Ville, et une dizaine de personnes privées de liberté. Pour l'instant, elles sont soupçonnées de faire partie d'une cellule qui avait les moyens et surtout la volonté de commettre un attentat. Le parquet fédéral ne donne pas plus de commentaires à cette heure-ci. Oui, par ailleurs, Lionel, on apprend que la sécurité des ministres a été renforcée. Oui, alors sans lien, nous dit-on, avec l'opération dont on parlait. Mais donc, depuis hier en début de soirée, plusieurs ministres du gouvernement fédéral sont sous haute protection. Aucun nom confirmé par le centre de crise, mais selon Sud Presse et le Nieuwsblad, il s'agirait de Charles Michel, le Premier ministre, de Didier Reynders, de Koen Geest et de Yann Jambon. Une mesure prise après de nouvelles informations, de nouveaux éléments de l'OCAM, l'organe qui analyse le risque d'attentat chez nous. Pour l'instant, toutefois, le niveau de la menace reste toujours à 3 sur une échelle de 4. Merci Lionel Denebourg avec Sébastien Joris. Et puis, toujours dans ce dossier terrorisme, un huitième homme a été inculpé hier soir pour les attentats de Bruxelles du 22 mars dernier. Il s'agit d'un certain Youssef, de nationalité belge, âgé de 30 ans. Il est inculpé du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste, et cela comme auteur, co-auteur ou complice. Les gardiens de prison reprendront le travail lundi à Mons, après plus de 50 jours de grève. Décision prise hier lors de l'Assemblée Générale du Personnel. Par contre, à Lantin, la grève continue et conséquence inattendue de ces grèves dans les prisons, certains détenus ont bénéficier d'un congé pénitentiaire plus long. C'est le cas de Stéphanie. 3 semaines de permission au lieu de 2. Une aubaine pour cette maman qui vit en prison avec sa petite fille de presque 3 ans. Pendant son congé, elle, son mari et leurs 3 enfants ont pu vivre pour la première fois une expérience de vie de famille ordinaire. Miguel Allo l'a rencontré avant son retour en prison. C'est un beau cadeau, mais empoisonné. Parce qu'avec les enfants, c'est difficile à vivre psychologiquement, autant pour eux que pour moi. Et le fait de devoir rentrer du jour au lendemain, c'est vraiment une deuxième cassure qu'ils ont déjà vécue quand j'ai été incarcérée au début. Et là, c'est de nouveau la situation qui se répète. J'essaie de me battre pour mes enfants, de me faire entendre. Ils ont pu me laisser dehors un certain laps de temps. Mais pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là. Des personnes qui sont libérables dans quelques mois ou comme moi qui pourraient être admissibles au bracelet d'ici même pas 2 mois, de nous libérer. S'ils le font maintenant, qu'ils nous mettent pour 3 semaines, c'est quand même pas rien. Donc voilà, moi c'est surtout vis-à-vis de mes enfants. Là pour eux, j'étais rentrée. Voilà une interview réalisée par Miguel Allo. Au Royaume-Uni, le meurtrier de la députée Jo Cox, Thomas Mair, 52 ans, a été inculpé cette nuit pour homicide volontaire. Il sera présenté à un juge aujourd'hui. La police britannique enquête sur les possibles liens de cet homme avec l'extrême droite. La campagne pour le référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est-elle suspendue jusque demain ? Au moins, le vote lui est toujours prévu jeudi. Pas d'athlètes russes au prochain JO de Rio, sauf ceux qui sont irréprochables au contrôle antidopage. Décision prise par la Fédération internationale d'athlétisme, une décision jugée injuste car collective par le président russe Vladimir Poutine. Des concerts un peu partout ce week-end en Wallonie à Bruxelles. C'est la fête de la musique. Hier soir à Namur, des artistes se sont produits dans des endroits où le public ne les attend pas d'habitude. Salons de coiffure, bar à tapas ou encore épicerie. C'est le concept musique à tous les étages. Justine Hermann s'est faufilée parmi les spectateurs. Le public en rythme avec Jules et Tom, des artistes namurois. Ils chantent au milieu d'une petite épicerie italienne, tout proche du public. C'est très agréable. Moi, j'adore la proximité comme ça avec le public et aussi avec le commerçant. C'est vrai que dans des endroits comme ça, ce sont des ambiances où on ne triche pas. On se sent un peu comme dans son salon. Le public s'y retrouve, la gérante de l'épicerie aussi. C'est une vitrine qu'on offre entre guillemets à des artistes. C'est aussi pour nous une occasion de se faire connaître. Deux rues plus loin, un concert dans une librairie du groupe bruxellois He Died While Hunting. L'ambiance est plus intimiste, les spectateurs approuvent également. C'est la musique qui va à la rencontre des gens, où ils sont. Donc c'est comme ça que ça doit être, parce que c'est la vie même, quoi. Philippe Gaillet coordonne les fêtes de la musique à Namur. C'est aussi l'idée de ne pas vouloir faire de grosses scènes avec des gros noms, comme ça se fait dans les festivals d'été. Bon, je crois qu'il y en a assez. Et les fêtes de la musique, c'est aussi une envie de revenir vers les pratiques amateurs, de confronter des musiciens amateurs, des musiciens un peu plus professionnels, et alors de mettre nos beaux lieux en évidence, bien sûr. Et le public namurois découvre certains lieux grâce à ça. Les fêtes de la musique, c'est jusque mardi. 700 concerts gratuits en Wallonie à Bruxelles. Voilà, Steve applaudit. Ah oui. Moi aussi. Voilà, des petits concerts au programme. Merci beaucoup, Nathalie. D'autres infos festives et autres, c'est à 10h, bien sûr. Anne-Michel Vlauberg, un accident sur le 42 Mons-Liège. Et oui, peu après, oui et rond. La bande droite est donc neutralisée. C'est en direction de Liège. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes ? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Le soleil sera principalement dans nos cœurs et nos sourires aujourd'hui, Anne-Michel. Mais oui, puisque ce matin, les averses seront bien sûr là, plus fréquentes depuis la mer du Nord au nord du Sion Sambre-et-Meuse. Plus au sud, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses plus rares. Cet après-midi, les nuages resteront nombreux sur le pays. Des averses orageuses se seront plus marquées au sud du Sion Sambre-et-Meuse avec un risque de grêle. Au littoral, nuages et quelques averses seront au programme. Et côté Mercure, c'est pas diaboliquement folichon. Ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des maxima qui iront de 14 à 18 degrés. On confirme donc. Belle journée, Anne-Michel. Belle journée. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e diable. Luminus, à votre service. 8h30, 10h30, en cuisine. On a déjà dit beaucoup de choses depuis 45 minutes dans cette émission et pour cause, c'est une foire en question pour la dernière mission en cuisine en version classique. Hein, bon, le retour de la structure, de la mode estivale qui arrivera avec le beau vélo de Ravel et en cuisine sera en direct depuis toutes les étapes, tous les samedis, entre 8h30 et 10h30 et venez nous rendre visite, ça nous fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou en studio. On est là pour vous tout l'été. Première étape, la calamine. Il y a Morissette qui nous dit quelles sont les proportions pour réaliser de la confiture aux fraises, aux framboises, aux cerises avec du sucre de canne et de l'agar agar ainsi que le temps de cuisson. 1 kg de fruits net pour vos 500 g de sucre, c'est du sucre de canne que voilà, du sucre de canne, donc 500 g de sucre de canne et une demi-cuillère à café d'agar agar. Ça c'est votre proportion. Vous pouvez ajouter un jus de citron si vous voulez. Donc en gros, la veille, vos fruits net, donc des noyautés, six cerises, etc. Propres, mélangés avec votre sucre. Le lendemain, vous transvasez dans une bassine, vous faites cuire pendant 30 minutes, vous écumez bien et au bout des 30 minutes, dans votre liquide bien bouillant, vous mettez votre agar agar, vous tenez 45 secondes avec un vrai bouillon, vous enlevez du feu et vous laissez tiédir avant de mettre en bocal. Si vous ajoutez un petit jus de citron, vous l'ajoutez même chose la veille avec le sucre et les fruits. Et vous allez avoir une confiture qui sera évidemment fort allégée en sucre, c'est ça qui est intéressant avec l'agar agar, qui aura une consistance très bonne. L'agar agar est vraiment pratique pour les confitures. Maintenant, le seul bémol, c'est qu'une confiture à l'agar agar, elle se conserve uniquement au réfrigérateur. Pas plus de 3 mois. Et si vous utilisez du sucre de canne plutôt que du sucre blanc, c'est un sucre encore plus fragile, donc encore un petit peu moins. Donc je dirais que vous les tenez 2 mois et demi maximum au réfrigérateur. Et vous allez avoir une confiture super. Donc faites pas 40 pots, mais vous avez de quoi faire déjà pour les, en tout cas tout l'été. La pectine, ça ne se justifie pas dans... Pas ici, l'agar agar est un gélifiant, donc d'accord, vous n'avez même pas besoin de pectine. C'est ça qui est pratique aussi. Hein. Y a des gens qui n'aiment pas l'idée d'utiliser de la pectine. L'agar agar étant une algue, bah, c'est tout à fait naturel et végétal, donc c'est quelque chose de tout à fait ok pour la santé. Et donc, bah, on aime bien remplacer ça éventuellement par ça. Et surtout quand on a envie de limiter la quantité de sucre et que la confiture tienne quand même. Et donc ici, on ne doit plus avoir les proportions, j'ai envie de dire les proportions à l'ancienne, 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. On peut vraiment diviser par 2 la quantité de sucre, mais vous devez avoir cette confiture qui se garde moins et qui se garde toujours au frigo. Et les feuilles de gélatine, ce n'est pas conseillé? Bah, on peut, mais vous n'allez pas avoir vous allez avoir une confiture trop dure. Et puis la gélatine, c'est animal. Et c'est vrai qu'on essaye d'éviter ce genre de choses un maximum. Maintenant, la gélatine, si vous faites un bavarois, ça vaut la peine d'en utiliser parce que vous avez besoin de quelque chose qui tient beaucoup mieux. Mais dans de la confiture, il faut quand même que ça reste fluide et moelleux. Malgré tout, l'agar agar est la solution. De mes propres ailes, voici les trois mousquetaires représentés par Olivier Dion sur Vivacité. Vos questions, le 3063 par SMS ou la page Facebook, et on joue dans un instant avec le guide Delta. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un pont levé. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis.

UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce samedi, Albanie, Suisse, Pays de Galles, Slovaquie et Angleterre, Russie. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 19h, en direct de Lens avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu blanc diable. Avec voyage-sncf.com, l'office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. En cuisine, sur Vivacité. 9h24 en cuisine se poursuit, spécial foire aux questions jusqu'à 10h30. Vos questions au 3063 si vous souhaitez la méthode SMS. Si vous êtes sur le web, eh bien, internaute que vous êtes déjà abonné à notre page officielle Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires par ce biais-là aussi. Il y a Claudia. Bonjour à vous deux. Bonjour Claudia. Je souhaiterais préparer à l'avance un buffet apéro salé amuse-bouche que je pourrais éventuellement congelé, donc on est okay. Dans la prévoyance. Alors tout ce qui se congèle en apéro, tout ce qui est évidemment petites pâtes feuilletées, les petits pâtes feuilletées fourrées à différentes choses. Jakuski. Voilà exactement. Donc tomates séchées, poivrons, feta. Vous pouvez faire un mélange chorizo parmesan. Vous pouvez faire un tomate basilic de base. Vous pouvez faire un roquefort, ça fonctionne aussi très bien. Vous pouvez utiliser de la tapenade. Ça, tout ça se congèle sans aucun problème. Dans des petits palmiers. Vous pouvez faire aussi tout ce qui est financier, donc en gros des petites madeleines salées, olives, petits fromages frais du commerce, tout ça fonctionne aussi et ça se congèle et ça se décongèle très très bien. Vous pouvez faire des petites quiches, vous pouvez faire des petites soupes en verrine que vous congèlerez directement dans les petites verrines, donc vous pouvez utiliser des petites verrines, c'est même pas moche, des petites verrines plastiques. De stock, oui. Oui, voilà, qui sont des petites verrines traiteurs et vous pouvez les mettre directement au congèle ou alors utiliser des verrines en verre, mais à ce moment-là, vous privez d'une partie de votre vaisselle jusqu'au jour J, peu importe. Vous pouvez faire aussi tout ce qui est mini croissant, fourré saumon fumé, etc. Ça fonctionne aussi très bien. Et vous pouvez aussi faire des trucs du style marcette de scampi tout vert. Donc les scampi tout vert, c'est des scampi congelés que vous enrobez, et vous pouvez le faire donc tout à fait à l'avance, que vous enrobez d'un beurre à l'ail et aux herbes. Vous retrouvez la recette sur vivacité.be. Vous remettez ça au congèle et quand c'est le moment de l'apéro, vous sortez vos scampi congelés dans ce beurre, simplement, et vous les mettez directement au four, 10 minutes, et vos trucs ils sont prêts à l'emploi, il n'y a plus qu'à quoi. Et ça fonctionne très bien, et ça fait vraiment apéro fait minute, et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc en gros, vous avez un four qui chauffe, et tout peut aller dedans. De vos scampi, en passant par vos palmiers, en passant par vos financiers pour les remettre un peu en température, etc. etc. Vos croissants, et autres, et quichettes, et vos soupes, elles décongèlent depuis le matin, et on est bon, et vous avez un apéro qui est suffisamment gourmand pour une quantité de personnes déjà. C'est 30 personnes que Claudia reçoit ? Il n'y avait pas de personne. Ah, je pensais. Je pensais que c'était 30. Bah là, vous aurez déjà de quoi nourrir une troupe, en tout cas. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire de la place oui. Dans le congélo. Merci, Claudia. Il y a une demande pâtisserie Forêt Noire de MC Thierry. Ah, big up, MC. Alors, une recette de gâteau Forêt Noire. On utilise quel type de cerise pour ce gâteau-là ? Vous utilisez des cerises qui sont des cerises à l'eau de vie ou des cerises au sirop, selon ce que vous aimez. Donc en gros, c'est un gâteau avec de la chantilly, donc de la génoise cacao, de la génoise chocolat, une couche de chantilly dans laquelle vous mettez des cerises sirop kirsch, peu importe, l'un ou l'autre, alcool ou sirop, et vous remettez une génoise, vous remettez de la chantilly, vous remettez des cerises, vous remettez une génoise, chantilly, cerise, et vous recouvrez entièrement comme un merveilleux de chantilly avant d'y plaquer des copeaux de chocolat. Ça, c'est la Forêt Noire de base, avec des cerises au-dessus pour décorer. C'est pas du tout difficile à faire, vous pouvez tout à fait vous permettre de prendre des cerises en bocal pour ça, que ce soit des cerises à l'alcool ou des cerises au sirop, et vous pouvez aussi faire vos cerises sirop maison ou vos cerises alcool maison. Une cerise sirop maison, c'est simplement un bain de sucre, donc une proportion d'eau pour une proportion de sucre, donc comptez par exemple 200 ml d'eau pour 200 g de sucre, vous faites bien bien réduire jusqu'à ce que vous ayez quelque chose d'assez sirupeux, vous y mettez vos cerises dénoyautées au dénoyauteur, c'est-à-dire que la cerise ne doit pas être coupée en deux, il faut un dénoyauteur pour que ça fasse claque, que le noyau sorte et que vous ayez votre cerise encore entière avec juste un petit trou que le noyau a fait en passant, mais une cerise entière, vous trouvez des dénoyauteurs partout, hein, Blocker, magasin culinaire, etc. Et donc vous n'avez qu'à plonger vos cerises dedans, les laisser une dizaine de minutes dans le sirop dans le sirop qui chauffe et ensuite enlever du feu et laisser entièrement refroidir vos cerises dans le sirop. C'est comme pour des poires au sirop, comme pour des poires au vin, c'est le même principe. Vous n'avez plus à ce moment-là qu'à enlever, égoutter, laisser bien s'assécher un tout petit peu, sans éponger, sans rien, mais vous les laissez s'assécher une petite demi-heure sur le plan de travail et vous pouvez les utiliser telles quelles. Vous pouvez les mettre sur une glace aussi, hein, c'est juste délicieux, des cerises au sirop. Mais voilà, ça peut être votre alternative. Cerise à l'alcool, pareil. Cerise à l'alcool, votre kirsch ou éventuellement un petit marsala, enfin ce que vous aimez. Ça vraiment, vous avez le choix. Il y a même des gens qui font des cerises à l'alcool blanc, que ce soit du gin, que ce soit de la vodka, que ce soit du rhum, et ça fonctionne aussi sur ce type de fruits, donc des fruits rouges. Et à ce moment-là, même principe, vous faites chauffer votre alcool avec le plus possible d'épices, bâton de cannelle, éventuellement graines de cardamome, quelques grains de poivre, ça fait toujours ressortir le goût des épices, un petit peu de fève tonka, pourquoi pas, vous pouvez mettre une pointe de muscade là-dedans, ça pourrait fonctionner. Et une fois que votre alcool est bien chaud, vous y faites pocher vos cerises pendant une demi-heure. Et à ce moment-là, vous les enlevez et vos cerises, elles sont alcoolisées. Il n'y a plus qu'à. Si vous avez envie de les mettre en bocal, faites-le. Donc vos cerises, et vous versez l'alcool chaud débarrassé de ses épices, sinon ça va devenir trop fort en goût au bout de la macération. Votre alcool débarrassé de ses épices par-dessus, vous fermez le bocal, ça se conserve super bien, hein, c'est de l'alcool, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et vous pouvez utiliser ça aussi dans votre forêt noire, qui est une forêt noire d'adulte alors à ce moment-là. On ne flambe pas les cerises. Vous ne devez pas du tout. Non, pas du tout. Vous pouvez le faire si vous avez envie de vous faire une belle crêpe avec une belle boule de glace et vos cerises flambées par-dessus, mais c'est pas le même principe. Mais vous pouvez tout à fait. Mais ici, ça se justifie pas. Allez, d'autres questions à venir au 3063 par SMS ou la page Facebook. Vous l'avez deviné, c'est une foire aux questions pendant une heure encore devant nous. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tab. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so Fun sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal, Autriche, à suivre en direct ce samedi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Ces 25 et 26 juin, les journées Fermes Ouvertes, organisées par l'APACW, fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, Vivacité et l'APACW vous offrent une foule de cadeaux fermiers. Des paniers de produits de la ferme, des week-ends à la ferme et des cadeaux 90s. Rendez-vous sur Vivacité pour ne pas manquer cette chance. Les Fermes Ouvertes, 20 ans de plaisir en famille. Plus d'infos sur jfo.be. En cuisine, jusqu'à 10h30 sur Vivacité. Spéciale foire aux questions aujourd'hui avec une question aux viandes de Claudine. Elle a au congélateur des belles côtes à l'os et qu'elle va chercher chez un petit producteur bio des environs. Bravo. Pouvez-vous me dire comment les préparer éventuellement au barbecue si on revoit le soleil? Ok, bien les laisser décongeler. Donc ça c'est super important de ne pas les travailler froides parce que ça va vraiment les durcir et ce serait dommage. Donc vous les laissez bien décongeler et vous les laissez décongeler au réfrigérateur, pas à température ambiante. Donc vous les sortez la veille. Ou le matin pour le soir même. Et donc vous leur laissez au moins 8 heures au réfrigérateur. Et une fois que c'est fait et qu'elles sont à température, vous les sortez du frigo. Elles seront encore un peu froides, mais elles seront décongelées à cœur. C'est ce qu'on veut. Vous pouvez à ce moment-là leur faire une petite marinade. Rien ne vous empêche, surtout si c'est pour le barbecue. Une marinade un petit peu grasse. Il n'y a rien à faire. C'est ce qui fait que vous avez un vecteur de saveur. Donc le liant est vraiment cette matière grasse. Donc vous pouvez travailler une huile intéressante. Donc vous pouvez faire une huile un petit peu aromatique. Donc rien ne vous empêche de tailler un peu finement de l'ail, d'ajouter pourquoi pas un petit peu de romarin et de sauge fraîche. On est là-dedans pour le moment. Vous pouvez ajouter ça dans cette huile d'olive. Vous en massez votre viande et une fois, et ça c'est le truc, une fois que votre viande est massée d'huile et qu'elle s'est réchauffée sous vos doigts et qu'elle s'est attendrie sous le massage, sous les doigts, vous prenez du gros sel. C'est romantique. Ouais, vu le morceau de bidoche devant vous, c'est pas un peu tout de violon suite. Pour rendre le truc un peu moins charcutier. Destiné, on était tous les deux destinés. D'ailleurs, en parlant de ça, Guy Marchand, nous te saluons. Non, c'est pas ça que j'allais dire. En parlant de ça, un joyeux anniversaire à mon époux adoré qui fête ses 45 ans aujourd'hui. Je ne vois pas le rapport entre la bidoche et Monsieur. Le côté content. Romantique et destiné, c'était ça. Il y avait que ça. Monsieur voilà, n'est pas bouché pourtant. Mon grand amour adoré qui fête son anniversaire. Soit. Donc, en gros, bon anniversaire Pascal. Vous prenez vous prenez du gros sel ou de la fleur de sel, et la fleur de sel est mieux parce que vous allez avoir un grain un peu plus fin, et vous en frottez délicatement votre viande. Toujours pas de rapport. Vous en frottez délicatement votre viande pour c'est avoir... C'est un code pour ce soir pour... Absolument pas. Absolument pas. Il est... Non, soit. Donc, vous en frottez délicatement votre viande pour avoir cette marinade qui va pénétrer davantage la chair. Ça, c'est super important. Et alors, à ce moment-là, vous allez avoir une viande qui va vraiment prendre la saveur de cette marinade. Vous la laissez une demi-heure en dehors de votre feu cuisson, voilà, juste sur le plan de travail, le temps qu'elle puisse vraiment absorber toutes ces saveurs de romarin, etc. Vous ne la poivrez pas, vous ne la salez pas. Vous la mettez sur le barbecue et une fois qu'elle est cuite, vous la poivrez, vous en goûtez un petit morceau parce qu'elle a déjà été frottée fleur de sel. Vous ajoutez du sel si vous le souhaitez et moi je ne la ressale jamais, je la ressale fleur de sel. Donc une petite pincée sur la viande. Et vous allez avoir une viande qui sera parfaite. Maintenant, rien ne vous empêche de modifier romarin, sauge, etc. et d'aller vers ce que vous aimez. Hein, pourquoi pas hein. Vraiment là, sentez-vous vraiment très libre d'aller vers les herbes que vous aimez. Yes. Mais c'est le principe de l'huile et du sel. Voilà. Voilà. Destiné. On était tous les deux destinés. Oui, voilà. Cette chanson, c'était dans Le Père Noël est une ordure. Et vous aussi, cassez le truc. Et vous aussi dans le deuxième volet des Soudoués. Vous cassez les Soudoués le truc en total. Vacances. Vous cassez le truc. Tout le monde se souvient de voilà. Guy Marchand qui a fait d'autres tubes et pas que celui-là. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Bon. Allez-y, chantez-en. On se parle après. Puisqu'on les a tous en tête là maintenant. Non. Ouais, voilà. Alors, il y a deux questions en une de Sophie. Tout d'abord, comment faire un levain pour le pain? Quels ingrédients faut-il? Vous retrouvez ça aussi sur vivacité.be. Vous avez besoin d'avoir votre farine, vous avez besoin d'avoir un petit peu de levure et vous avez besoin d'avoir de l'eau tiède. Et la veille au soir, vous devez faire votre mélange. Vous devez laisser bubler. Donc vous devez laisser devenir un peu fermenté. Vous devez, oui, c'est vraiment le terme. Donc vous devez laisser fermenter votre truc. Et le lendemain, ce levain-là, vous devez l'ajouter à votre recette de pâte à pain de base. Et vous retrouvez sur vivacité.be une recette de pain polyvalent. Le pain polyvalent, c'est comme ça que la recette s'appelle, s'intitule. Donc c'est pour ça que c'est ça que je vous dis. Ce pain polyvalent, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un pain qui fonctionne extrêmement bien sur un levain maison. Donc ça, vous pouvez directement ajouter votre levain dans cette recette sans la modifier. Vous avez aussi le pain des familles, qui est une très bonne base aussi pour du levain. Ce sont deux pains blancs. Les pains, le levain fonctionne sur tous les pains et l'objectif, c'est d'avoir un pain qui se conserve mieux et qui a une croûte plus croustillante avec une mie plus moelleuse, tout en étant bien cuit à cœur. C'est ça que le levain va vous apporter, donc c'est intéressant d'en faire à la maison. Et le pain blanc fonctionne bien là-dessus. Mais rien ne vous empêche d'aller vers un pain multicéréales, ça fonctionnerait aussi. Voilà, c'est un levain copain. De Candice. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à Pascal Delfosse qui arrive bientôt dans l'émission pour le vin copain. Il ne vient pas aujourd'hui. Non. Vous avez les infos que je n'ai pas. Oui. Ma tarte au flan se compose toujours de deux couches. Pas la mienne, mais celle de Sophie. Pourquoi ? Parce que vous avez un appareil qui n'est pas suffisamment mélangé à la base. C'est toujours le même principe. Vous pouvez aussi avoir fait l'erreur, c'est possible. C'est moins probable, mais possible, que vous ayez surcuit votre flan à la base. Donc, soit vous utilisez une recette de flan cru et vous la mettez dans sur votre fond de tarte et votre appareil n'est simplement pas suffisamment fouetté au batteur électrique avant. C'est souvent le problème des pâtisseries. Soit vous avez un appareil cuit que vous mettez, donc pré-cuit, que vous mettez et que vous laissez figer dans votre fond de tarte au four. Et alors à ce moment-là, vous avez un appareil qui a eu tendance à frémir. Et il n'y a rien qui peut... Dans un flan ou dans une crème anglaise, c'est le même principe, donc dans une recette à base d'œufs, un appareil qui est riche en œufs, si ça frémit, si ça boue, c'est encore pire, mais si ça frémit, c'est foutu, ça se dissocie. Vous faites une glace vanille sur une base de crème anglaise, qui est donc la base facile et traditionnelle de la glace vanille. Si vous avez un frémissement, mais ça se joue à quelques degrés de température, vous allez vous retrouver avec une glace qui va cristalliser. C'est le même principe. Ça se dissocie d'une autre manière à la surgélation. Donc ça, c'est le problème, selon votre recette. Vous retrouvez également une recette de tarte au flan sur vivacité.be qui est inratable. Ouais. Et rien ne vous empêche de faire une brésilienne avec une petite chantilly, de la brésilienne par-dessus, etc. à vous faire plaisir à ce niveau-là. Miam. À surveiller donc la cuisson de la crème anglaise. Voici Howling at the Moon. C'est Milo. Ou Milo ? Milo. Milo. On prononce comme on veut. Hein. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Summer will be over soon. I'll see you. j'ai fait des recherches quand même assez pointues et je rejoins la prononciation de ma complice, c'est bien Milo. Hein? Vous aviez un doute? Vous avez mis en doute? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est Tintin, mais Milo est là. Et en tout cas, avec All In at the Moon, il est temps que la saison se termine. Après la pause, la suite de vos questions. Vous avez encore un long chemin jusqu'à la calamine. C'est loin, effectivement. Et là, c'est pas pourri. C'est loin. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Envie de fou rire, où, quand et comme je veux. Nous terminons la semaine presque sérieusement. Laurence Bibeau pour le Café Serré. Pour ce grand cactus. RTBF Ovio, l'humour, où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. UEFA Euro 2016. Ce samedi, la Belgique vibre au rythme des Diables. Dès 13h, en direct de Toulouse avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. À 15h, Belgique, République d'Irlande. Vivez en intégrale la deuxième rencontre des Diables avec Thierry Luters et Manuel Jousse en direct de Bordeaux. Et ensuite, Islande, Hongrie et Portugal-Autriche avec voyage-sncf.com et l'agence d'attractivité de Toulouse. Hey Bob, ouais. Tu vas le prendre mal si je te dis que j'ai un truc qui va vous mettre de bonne humeur, vous les Angry Birds? Dis toujours. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Grand C4 Picasso 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Oh, ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, le deuxième Wing Tactique de Florène vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptères, expositions, animations. Info belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à conditions. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au... Prenez votre morceau de poulet. Votre gros blanc, là, un petit peu moche. Vous le coupez finement. Vous ajoutez dans un petit fond de chicon, en dessous de cette papillote. Vous ajoutez une petite pincée de curry, voire une petite cuillerée de pâte de curry que vous badigeonnez par-dessus. Vous refermez. Vous cuisez au four une bonne demi-heure à 180. Et vous allez avoir un super petit truc à ajouter dans des pâtes ou en accompagnement de pâtes, peu importe. Et ça ne demande rien d'autre. Rien ne vous empêche non plus d'aller vers le classique, qui ne fonctionne toujours, du poulet qui est cuit dans de la sauce tomate. Donc vous utiliseriez une petite tomate en conserve ou une petite tomate fraîche compotée, un peu d'ail, basilic, tout ce que vous avez, des épices un petit peu d'origan, tout ce qui va pouvoir faire un peu voyager méditerranéen, et vous ajoutez votre viande là-dedans, pourquoi pas. Ça peut être aussi le poulet en petites boulettes, c'est-à-dire que vous prenez, et ça fonctionne très bien dans les pâtes, donc vous pouvez tout à fait, je le fais pour mon fils, et ça lui permet de manger du légume sans s'en rendre compte. C'est du hachis de poulet, quoi. Bah, vous prenez votre poulet, alors n'achetez pas à moins que vous soyez vraiment chez un bon boucher ou dans un supermarché où vous connaissez vraiment le truc. N'achetez pas du hachis de poulet comme ça parce qu'il est souvent coupé, donc avec du gras et du cartilage. Donc en gros, l'idée, c'est de prendre votre blanc de poulet et de lui donner un coup de mixeur à la maison. Bzz, voilà, un petit coup de Magic Bullet, un truc de mixeur de base. Et en gros, vous prenez votre hachis, vous ajoutez dans votre hachis de poulet des petits oignons, ce que vous aimez, éventuellement même des petits pois, ça peut fonctionner, des petits pois crus ou surgelés, peu importe, pas de conserve. Donc vous mettez ça comme ça. Et vous jetez ces petites boulettes dans votre sauce tomate. Et vous n'avez qu'à les cuire dans votre sauce tomate un petit quart d'heure. Et vous avez votre sauce qui est une vraie sauce esprit sauce tomatée viandeuse. Esprit. Donc on ne doit pas faire revenir dans de la matière grasse ces boulettes avant de les ajouter à la sauce tomate. Mais on pourrait si on a envie de les croûter, etc. Mais ici, si c'est un triathlète, en gros l'idée c'est d'avoir le truc le plus simple et évidemment, le plus sain possible. Et pas d'ajout de matière grasse cuite, etc. qui sont des matières grasses mauvaises pour la santé. Un peu de sucre peut-être pour éviter les remontées d'acide. Un petit peu de carotte alors à ce moment-là. Ouais, voilà, pas de sucre, de la carotte carrément. Et vous laissez bien compoter ça et vous allez avoir quelque chose qui sera bien aussi. Donc rien ne vous empêche d'aller vers ça. Le poisson est une bonne idée aussi. Ce qui fonctionne très bien, c'est... aussi dans l'esprit papillote, vous prenez un poisson, même, on n'y pense plus, mais on mangeait ça beaucoup avant, du haddock et des choses comme ça, ça ne coûte rien. Vous commandez ça chez votre poissonnier, ça ne coûte vraiment rien. Vous avez des beaux morceaux de poisson, vous mettez ça dans une papillote, vous ajoutez un petit peu de pesto, même du pesto du commerce. Là, vous avez l'huile, mais qui va être bu et qui est quand même nécessaire, qui va être bu par la pièce de poisson, que vous n'avez qu'à émietter à ce moment-là dans vos pâtes. Même chose, une petite sauce tomate et basilic ou simplement un petit filet d'huile, un petit peu d'herbe fraîche, un jus de citron par-dessus, un zeste de citron par-dessus, et vous avez un repas qui est fait minute et qui est parfaite pour un grand sportif. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Vraiment, il faut laisser libre cours à son imagination. Votre avenir de coach sportif est assuré, ma chère. Ah zut! Enfin zut, pas zut, mais... Il y a mais... des coachs nutritifs, hein, attention, il y a des sportifs qui sont très mais très surveillés sur le plan de la nutrition. Il y aurait juste un problème, c'est que j'aurais tendance à dire « La course est terminée, on va se faire une fête de mousse au chocolat !» Et là... Oui, la phase de décompression risque d'être effectivement très douloureuse. Ça casse le charme tout de suite, oui. Donc ça, voilà, c'est... Vous n'êtes pas dans l'enchaînement des compétitions. Si on se faisait une fête maintenant que c'est terminé, c'est pas c'est l'idée. Ça. Oui, c'est genre une course par an. Ou tous les deux mais ans. Mais quelle course ! Mais quelle performance ! The course. Ah, et trois jours avant, on peut se faire du chicon boulette. Ça, c'est la qualité sur la quantité. Bon. Après la pause, la balade de Jim, c'est un petit peu plus pédestre. On se repose un peu sous l'ombrage d'Alain Souchon. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Dites au Vos. Oui, Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro ? Mais pour le Brésil, hein ? Quoi ? Le Brésil participe à l'Euro ? Oui, à chaque match, on est frit, fieu ! La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà ! De Vos, Lemens. À table ! Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. C'est plus que jamais le moment de soutenir nos diables qui devront tout donner pour rester dans la compétition. Belgique, République d'Irlande, en direct ce samedi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Le serrer si fort en disant Jim. pieds dans l'air du soir. La chrysalide s'envole dans les fougères. Et Bardaf s'est lambardé, Alain Souchon et la balade de Jim. En cuisine, 8h30, 10h30, sur Vivacité. La question est la rubrique « Je découvre un produit » avec la question de Caroline. Que pensez-vous du konjac ? Hein, le konjac. K-O-N-J-A-C. Ouais. Alors le konjac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante qui est une plante japonaise et qu'on cultive, ceci dit, partout en Asie, mais c'est fort utilisé au Japon, fort consommé au Japon. Et cette plante a un tubercule et ce tubercule est réduit en poudre et on l'utilise pour en faire notamment des pâtes, mais on le fait en bloc comme du tofu. Et vous le trouvez aussi dans des gélules, gélules coupe fin pour la plupart de ces gélules. C'est, en fait, le konjac est utilisé dans les régimes. Donc en fait, vous avez une sorte de poudre très protéinée qui vous permet d'avoir 100 calories, qui vous permet d'avoir quelque chose qui vous tient au corps et qui est consommé donc sous forme de pâte, dans les ragoûts, dans les soupes, et énormément en Asie depuis très longtemps et qui est arrivé chez nous et qui a connu, qui a eu une petite heure de gloire à cause du régime du camp, qui a utilisé le konjac et qui a commercialisé le konjac dans des petites barquettes, c'était il y a quelques années, c'était des petites barquettes, je crois qu'on doit encore trouver ça, konjac avec dedans des espèces de spaghettis et nouilles, et l'idée c'était de pouvoir remplacer les féculents par une alternative santé minceur, qui vous bourre tout autant, que vous pouvez faire avec une sauce tomate bolo, et en gros bah, vous avez quelque chose qui s'en rapproche sans vraiment jamais s'en rapprocher, soyons clairs, hein. C'est plutôt quelque chose qui pour moi se met dans une soupe, esprit soupe, soupe de nouilles. Donc le konjac super, faites juste attention à une chose, quand vous le prenez en gélule, donc en gélule coupe fin, faites bien attention que ce soit du konjac pur, parce que sinon on est dans des choses qui sont coupées avec des produits qui sont plus toxiques pour l'organisme, il faut toujours faire attention avec ce genre de gélule, et faites attention également quand vous les achetez sur internet, etc., quand vous les achetez aussi dans les magasins, dans les épiceries asiatiques, faites attention à ce que ce ne soit pas forcément coupé, c'est vraiment quelque chose qu'on doit utiliser, acheter en pharmacie exclusivement. Faites attention aussi au konjac dans sa version additif alimentaire, vous trouvvez parfois dans les listes d'ingrédients du E425, c'est du konjac transformé, donc le E425 n'est pas bon, mais le konjac pur, qui n'est pas transformé, est une bonne alternative aux féculents et vous permet d'avoir quelque chose qui vous tient encore, esprit nouille, qui est très bien. En quelques mots, il y a une demande de Domi pour réaliser de la limonade maison avec de vrais citrons. Oui, alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de grand-chose. L'idée est d'utiliser le jus, le zeste et un sirop de sucre. Pour avoir une vraie limonade qui goûte vraiment la limonade et pas juste un citron dans de l'eau pétillante, vous devez faire un sirop de sucre sur cette base de citron. Donc, vous prenez des citrons bio, parce qu'il ne faut pas que ce soit traité. Vous faites votre sirop de sucre moitié eau, moitié sucre. Donc, comptons 200 ml d'eau, 200 g de sucre. Vous faites bien réduire, consistance grenadine. Vraiment sirupeux. Vous y jetez votre écorce de citron. Donc vous zestez un citron complet et vous y jetez votre zeste. Faites bien attention à ce moment-là de ne prendre que le jaune, que la peau et pas le ziste en le dessous blanc, qui est le blanc. Parce que là, en cuisson et à la chaleur de la cuisson dans le sirop de sucre, cette amertume se développerait. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc vous faites bien réduire ça, vous faites complètement refroidir, vous enlevez vos zestes, et au moment où c'est refroidi et zesté, vous ajoutez un jus de citron complet dedans, et vous allongez, selon la quantité de sirop qui vous restera, vous allongez à l'eau pétillante pour en faire une bouteille. Et là, vous allez avoir une vraie limonade maison, qui sera sucrée comme une limonade du commerce. On est sur une base de sirop de sucre, donc il y aura du sucre dedans, en quantité suffisante, et vous aurez vraiment ce goût limonade. Ah, dommage qu'on puisse pas trinquer. Ça donne envie, en tout cas, avec de bons petits glaçons dedans. Des bons glaçons. Il est proche de 10h, les infos arrivent. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Les noix de coco qui tombent? Aïe! Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Conditions sur xina.be. C'est bien pensé. Vivacité présente le jogging 10 km des grottes organisé par l'association Justine for Kids. Trois distances cette année, 5, 10 et en trail de 20 km. Le 26 juin à Ans-sur-Lesse, découvrez avec Justine Hénin ses parcours uniques avec le dernier kilomètre dans les grottes. Venez en famille, il y a de nombreuses animations pour enfants. Info sur 10kmdesgrottes.be. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Il est mignon! Wow! Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça! Délicieux! Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. Vous écoutez Vivacité, 10h. On s'informe avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Steve, bonjour à tous. Une grosse opération antiterroriste, elle a été menée hier soir et cette nuit. 12 personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été arrêtées, Lionel Denebourg. Oui, d'après nos informations, elle faisait partie d'une cellule donc qui voulait passer à l'acte. Une quarantaine de lieux perquisitionnés, principalement en région bruxelloise, mais aussi à Fleurus, Tubize, Liège ou encore Zaventem. Plus de 150 garages ont été fouillés. Ni armes, ni explosifs, n'ont été découverts, indique le parquet fédéral, mais le parquet précise tout de même que des éléments recueillis obligeaient les services de sécurité à intervenir immédiatement. Et puis Lionel, plusieurs ministres fédéraux ont été placés sous sécurité depuis hier soir. Est-ce qu'il y a un lien avec les arrestations de cette nuit, Lionel ? Alors on nous dit que non, aucun lien. Mais donc depuis hier soir, début de soirée, plusieurs ministres sont sous haute protection. Le centre de crise ne confirme pas les noms. Sud Presse et le Nieuwsblad citent les noms du Premier ministre, Charles Michel, de Didier Reynders, de Koen Gilsen et de Jan Jambons, et qui sont donc sous haute protection depuis hier soir. Les précisions de Lionel Denebourg avec Sébastien Joris. Notez qu'un huitième suspect sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 22 mars. Ce suspect se prénomme Youssef. Il est né en 1985 et est de nationalité belge. Le parquet fédéral l'a annoncé. Il a été placé sous mandat d'arrêt par le magistrat instructeur du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, assassinat dans un contexte terroriste et tentative d'assassinat également dans un contexte terroriste en tant qu'auteur, co-auteur ou complice. On passe à la grosse actualité du jour. L'autre actualité, elle est sportive. Gagner pour oublier une entrée manquée. C'est un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui. Les Diables Rouges affrontent l'Irlande pour leur deuxième match dans le groupe E. Même si la pression a baissé d'un cran depuis la victoire de l'Italie hier sur la Suède, le public attend ce match de pied ferme, Thierry Luters. C'est le match du rachat de la revanche pour les Diables Rouges face à la 33e nation mondiale. On ne comprendrait pas que les Belges ne se reprennent pas après leur défaite face à l'Italie. Simon Mignolet est un des nombreux sociétaires belges de la Première Ligue et il connaît bien Martin O'Neill, le coach irlandais, qui a été son entraîneur du côté de Sunderland. C'est direct. Donc, avec des centres, ils ont vite aussi le contre-attaque. Des joueurs comme Shane Long, Jonathan Watts, qui est blessé maintenant, que l'ancien qui est là, Robbie Keane, tous les mêmes joueurs, ils vont 100%. Marc Wilmot, c'est un bon souvenir de l'Irlande, les barrages en 1997, un an avant la Coupe du Monde. Ça a été un beau souvenir. Je crois que c'est Irvin qui marque sur coup franc. Et puis c'est Nilis qui marque, donc ça reste un match très difficile là-bas. Et puis finalement, quand tu fais un barrage et que tu gagnes, évidemment, ça reste un excellent souvenir. Maintenant, pour le résultat de demain, nous, je sais que la presse attend de nous une victoire. Donc nous, on fera tout pour l'avoir. Le gagner pour toujours viser la deuxième place de ce groupe E, la première place étant devenue impossible depuis le succès de l'Italie hier face à la Suède. Et les supporters, les nerfs des supporters vont encore être mis à rude épreuve cet après-midi pendant le match des Diables. Pour l'instant, les fans sont encore positifs. Je pense que même si on fait encore un match nul contre l'Irlande, ce serait une contre-performance. Mais si on bat encore les Suédois après, on peut passer. Et après, tout est encore possible. Est-ce qu'on va sortir avec autant de fierté avec son maillot des Diables Rouges pour aller voir le match ou est-ce qu'on en est un petit peu plus hésitant ? Mais je mettrai mon maillot des Diables Rouges même si on perd au premier tour. Le prochain match, je le mettrai quand même, franchement. Voilà des supporters des Diables interrogés par Gaëtan Van Kerkhove en Formule 1. Le Grand Prix d'Europe, c'est tout ce week-end à Bakou en Azerbaïdjan. Les qualifications démarrent à 15h. RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Vous nous parlez de cet accident sur le 42. Oui, effectivement, toujours les suites peu après Ouilleron. La bande droite reste donc neutralisée en direction de Liège. J'apprends l'instant, eh bien, un deuxième accident sur le 313 Liège-Anvers à hauteur de Ham. La bande de gauche est neutralisée en direction d'Anvers. Et puis, un chien errant est signalé sur la nationale 59 Senef-Gauzé. Il se balade entre Anderlu et Fontaine-l'Évêque en direction de Gauzé. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Retour en cuisine sur Vivacité avec Steve Delaunoy et Candice Cotter. Merci beaucoup, le retour de la foire en question. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Samedi, de 8h30 à 10h30, en cuisine, sur Vivacité. Allez, ne traînons pas et abordons le dernier virage de cette foire aux questions, au 3063 notamment. Il y a Léonie qui nous demande comment faire un sorbet non sucré ni crémé, style sorbet persil, basilic, céleri, tomate. Aucun problème. Donc en gros, vous ne devez pas partir d'un sirop de sucre, comme ce serait le cas. Vous partez simplement d'une réduction, disons persil, donc si vous avez envie de persil. Prenez votre persil, vous le mettez dans de l'eau et vous faites réduire jusqu'à ce que vous ayez vraiment une sorte de décoction de persil pour que vous ayez un max de saveur. Vous pouvez ajouter un petit zeste de citron là-dedans si vous voulez. Vous mixez, donc vous allez vous retrouver avec ce liquide, cet appareil vert. Vous réallongez à l'eau, vous faites réduire. Et alors à ce moment-là, vous allez simplement le passer, donc réallonger à l'eau, le passer soit en sorbetière si vous en avez une, soit si vous n'en avez pas, vous transvasez dans un esprit granité dans un tupperware pour mettre au congélateur. Au bout d'une heure, vous sortez, vous mixez, vous remettez au congélo une heure. Au bout d'une deuxième heure, vous sortez, vous remixez et vous remettez au congélateur jusqu'à dégustation. Donc vous avez besoin de ces 2 heures de congélation avec un mix entre chaque pour pouvoir avoir une texture de sorbet suffisamment moelleuse. Si vous n'avez pas envie et que vous êtes dans un esprit granité, alors vous mettez dans une cuve métal et toutes les demi-heures, pendant 4 heures, vous allez gratter à la fourchette pour avoir votre granité. Ça peut être une autre option sur cette même saveur. Il y a Claudine, Massot-Zibier, toujours trop liquide. Elle n'est pas assez réduite, simplement. Donc là, vous devez continuer à la réduire en faisant attention qu'elle ne se surcharge pas en sel. Donc faites bien attention à l'équilibrer à la base. Comment être sûr pour avoir un produit réduit, fini, suffisamment quantitatif pour X nombre de personnes? C'est une très bonne question. Vous devez toujours compter pour avoir une sauce bien réduite, bien goûteuse et qui ait suffisamment de couleur et qui ait vraiment de quoi avoir quelque chose de sympathique au niveau saveur, vous devez compter 100 ml de liquide par personne. Donc exemple, vous sortez votre viande de votre four, vous l'enlevez, vous comptez déglacer vos sucres de cuisson pour avoir votre sauce. Et bien vous comptez 100 ml de liquide par personne. Vous êtes 4, vous mettez 400 ml d'eau là-dedans. Et vous laissez les sucres se mélanger à ça, donc bien se réchauffer, etc. Vous remettez sur le feu et vous laissez réduire de moitié pour avoir suffisamment de sauce par personne. 100 ml de liquide, vous réduisez de moitié, vous allez avoir 175-200 ml de sauce, ce qui est suffisant pour 4 personnes. En suffisant et même assez généreux et bien. Mais comme ça, tout le monde pourra en reprendre 2 fois. Et ça vous permettra d'avoir une sauce qui est suffisamment veloutée, donc suffisamment bien réduite, bien chargée en saveur, on ne ressale pas. Et au final, vous vannez au beurre. Donc une fois que votre sauce est bien réduite de moitié, il vous faut un bon 10 minutes, un quart d'heure, vous ajoutez un bon gros morceau de beurre et vous ne fouettez pas, mais vous prenez votre plat, votre poêlon, peu importe ce dans quoi vous avez fait réduire votre sauce, et vous tournez, simplement, vous tournez un tout petit peu, comme vous le feriez avec une raquette de tennis, vous tournez un tout petit peu votre plat, comme ça, avec comme un plateau, pour que le beurre se mélange et qu'il garde son onctuosité. On ne casse pas le beurre avec un fouet, il garde son onctuosité et qu'il puisse enrober chaque petit morceau viandeux de cette sauce. On passe ou on passe pas selon le nombre de petits morceaux qu'on a dans la sauce, si on a mis des petits légumes dans son truc, peu importe. On passe ou on passe pas et vous avez une sauce parfaite en quantité parfaite. C'est valable pour les archiducs, les sauces au poivre Les archiducs, on peut, comme c'est une sauce crémée et qu'on a tendance à en mettre aussi sur les accompagnements, en mettre vraiment, vraiment partout, pas juste sur sa viande, on peut éventuellement ajouter un tout petit peu plus et compter 125 de liquide par tête. Mais à 100, on est déjà tout à fait dans le bon et on est sûr d'avoir assez. Bien, il y a d'autres questions évidemment au 3063 et également via la page Facebook. Bonjour, pour réaliser une marmite du pêcheur, quel poisson conseillez-vous ? Ah, amusez-vous. Hein. Il faut différentes textures de chair de poisson. Donc vous pouvez alterner poisson blanc et poisson gras. Donc dans les poissons gras, vous avez du saumon, de la truite, du hareng, de la sardine. Le saumon est un choix qui est facile. Le maquereau également, le maquereau peut fonctionner. Et ça, vraiment, c'est un poisson qu'on sous-estime. Le maquereau est absolument magnifique et on ne le mange que fumé, et il est très bon fumé, mais le maquereau frais est une tuerie. Donc ça, c'est une bonne idée. Comme ça, vous avez votre quota de poisson gras, vous avez un certain type de texture. Vous allongez avec un peu de merlan et ce genre de poisson pour avoir éventuellement, si vous avez un truc un peu festif, quelques morceaux de lotte, ça peut le faire aussi. Mais là, on est dans quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Et vous avez besoin d'ajouter là-dedans, pourquoi pas, quelques scampi, éventuellement quelques petites crevettes, et au final, donc des crevettes grises, jamais de crevettes roses. Crevettes grises au final pour jeter dedans. Et si vous le voulez dans ce genre de choses, et uniquement dans ce genre de choses, donc dans des mijotés de poissons, donc où on pousse un peu la cuisson, on peut se permettre de prendre ces petits mélanges qu'on trouve chez le poissonnier ou en supermarché en surgelé, ces petits mélanges de fruits de mer. Vous avez des petites Saint-Jacques qui viennent du Pérou, des différentes choses en petite taille. L'idée, c'est de s'ajouter de la masse pour que tout le monde ait assez à manger sur du poisson. C'est vraiment juste ça. Et là, vous jetez deux poignées là-dedans. Et comme ça surcuit, on n'a pas peur d'abîmer ces petites Saint-Jacques. C'est pas grave, on sait qu'on ne mettrait pas des toutes belles Saint-Jacques là-dedans, parce que ce serait dommage, elles seraient en surcuisson. Mais dans un truc comme ça, dans un mijoté, on peut tout à fait se permettre de prendre ces petits fruits de mer-là. Quelques moules, etc. À venir à la question de Louise, j'ai des restes de lapin décortiqués. Comment les cuisiner ? Réponse après, notamment Sam Smith. I'm not the only one, nous dit-il. Bienvenue dans En Cuisine sur Vivacité, la dernière émission de la saison en phase classique, mais elle revient sous son mode estival la semaine prochaine. We made a vow for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. On end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say Sam Smith sur Vivacité. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres ? Facile, point carré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, eh ben allons vivre une expérience unique chez point carré. Plus d'infos sur pointcarré.eu. Ce sont les 50 jours de folie chez Auto 5, avec jusqu'au 7 juillet... Waouh, un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans... Qui dit Auto, dit Auto 5. Capteur de stationnement ? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync ? Oui. Système de navigation avec écran tactile ? Oui. Quoi d'autre ? Le prix ? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent « Je réussis », une collection de cahiers de vacances de 56 pages rédigés par des enseignants belges. Avec un cahier par classe, de la 3e maternelle à la 6e primaire, votre enfant gardera en mémoire tous les acquis de l'année écoulée. Les cahiers de vacances en vente dès maintenant au prix de 5,90€ chez votre libraire. S'il y a une éclaircie, on se prépare un petit barbecue. T'inquiète, je fonce chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Red Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Ça va swinguer à Visée. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à Visée ce week-end. Avec qui a donné ? La parfumerie Eve et la papeterie Wagelmans à Visée. Tu sais, toi, comment on appelle les habitants de Blény ? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blény. Journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blény. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blény. Les Blény, toi ! Matexi, bienvenue chez vous. Un petit mot sur cette nouvelle victoire ? Je pense que, dans l'ensemble, l'équipe a fait un beau match. Ben, moi chérie, je pense qu'il est temps de lever ses petites fesses et de filer chez Biémarbois. Le plus large choix de terrasses, bardages et aménagements extérieurs. Ça, c'est un trio offensif de rêve. Hmm ? Biémarbois, à Soumagne et Malmedy. L'équipe la plus complète pour vos aménagements extérieurs. Biémarbois, des conseils diablement pro. Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, moins 30% sur des milliers d'articles printemps-été chez Espace Mode. Nocturne le vendredi 17 jusqu'à 20h et ouverture le dimanche 19 de 10 à 17h. En cuisine avec Candice Cotter et Steve Delaunoy. Question de Louise, que faire avec les restes d'un lapin décortiqué ? Alors en gros, dans l'esprit hachis parmentier, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez aussi prélever la viande de ce lapin et la refaire dans une petite sauce tomatée. Vous pouvez oser le lapin aussi, parce que le lapin c'est tellement polyvalent, ça c'est très très bon. En petites boulettes, donc en gros, je bave. Donc en gros, vous prenez des pommes de terre, vous les faites cuire à l'eau bouillante, vous les mixez, enfin pas mixez, vous les écrasez sans rien, et vous y ajoutez votre lapin qui lui est mixé, et vous ajoutez un petit peu de sirop d'érable, vous allez les caraméliser ces boulettes, un petit peu de sirop d'érable et un petit légume si vous voulez, mais vous ne devez pas. Vous façonnez vos boulettes, vous les roulez farine, chapelure, donc œuf. Farine, œuf, chapelure, et ensuite vous les faites cuire au four, et c'est important, vous les faites cuire au four, et à 5 minutes de la fin de la cuisson, c'est tout est cuit dedans, hein, donc ça dure 10 minutes de cuisson, à la fin de la cuisson, vous prenez un petit peu de sauce soja mélangée à du miel, et vous allez les badigeonner dans la chapelure, les badigeonner au pinceau, et elles vont croûter caramélisées au four, avec cette petite garniture de pommes de terre et de lapin à l'intérieur. C'est tuerie totale. Et c'est une facilité. Et c'est d'une facilité déconcertante, et ça vous permet de faire manger du lapin aux enfants. Sans dire qu'il y a pan-pan dedans, bien sûr. Sinon, ça casse le charme. Que Bugs Bunny n'est Pan-pan pas parmi et nous. Pan-pan et Monsieur Patate. Bon, une recette classique de sucette glacée pour les enfants et une de saison, s'il vous plaît, aux fraises, nous demande Nicole. D'accord. Alors, les sucettes glacées, c'est super top et vous pouvez en faire 1000. Le truc, c'est que vous avez différentes bases. Soit de l'eau, soit du jus de fruits, soit du lait. Lait de coco ou lait normal, soit du yaourt, soit de la glace déjà. Donc ça, c'est vos 5 options. Donc en gros, vous avez vos 5 options. Donc vous avez par exemple une base d'eau. Donc vous prenez de l'eau plate ou pétillante, vous ajoutez un petit peu de jus de citron, des petits morceaux de citron si vous aimez ça, que vous pouvez faire revenir dans un petit peu de sirop de sucre. Tout ça est possible. Vous mélangez, vous mettez dans votre truc, dans vos petits bâtonnets, dans vos petits moules et vous faites congeler 4 heures. Les sucettes de ce type, c'est toujours 4 heures de congélation minimum. Si vous avez envie de partir sur un jus de fruits, bah vous prenez un jus style jus exotique, un jus de litchi par exemple, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter des petits dés de fruits dedans ou ces petits dés de fruits mixés, pourquoi pas aussi. Litchi fraise fonctionne extrêmement bien, donc ici vous aviez envie d'une recette à base de fraises, Nicole, bah ça peut être votre option, pourquoi pas. Ça adoucit vraiment, ça vous permet d'avoir quelque chose qui sera très doux, très doucereux, un peu sucré, vraiment très, très, très, très bon. Petit morceau de fraise en brunoise par-dessus si vous voulez, hop, congélation. Si vous avez envie de partir sur du lait, alors je vous conseille de prendre du lait de coco, par exemple, là vous voulez la jouer exotique, un lait de coco, quelques mangues au sirop du commerce. Vous pouvez utiliser la mangue fraîche, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus gourmand avec des mangues au sirop. Vous mixez vos mangues au sirop, vous ajoutez ça à votre lait de coco que vous sucrez avec un peu du sirop de la boîte et hop, vous mettez ça dans votre, dans vos moules à glaçons et vous allez vous retrouver avec une glace super exotique. Yaourt, même chose, prenez un petit yaourt à la cerise par exemple, ça fonctionne toujours bien sur les enfants, ça a une belle couleur. Vous devez prendre un yaourt avec morceaux, vous allez avoir quelque chose de bien sympa. Là-dedans, vous mettez quelques fruits frais, vous pouvez corser avec des cerises fraîches ou des fraises et vous ajoutez par exemple un crack style pistache. Et vous mettez ça au congélo, framboise, pistache, là-dessus fonctionne très bien aussi. Vous mettez ça au congélo et vous allez vous retrouver avec la glace qui aura le petit crunch de pistache qui sera descendu dans le fond, qui sera donc au-dessus et qui va croûter. Et là-dessus, vous aurez votre glace moelleuse parce qu'on sera dans une glace yaourt, donc c'est presque comme une glace normale, j'ai envie de dire. Glace yaourt avec vos beaux morceaux de fruits. Donc vous aurez quelque chose de super gourmand. Et vous pouvez aussi utiliser une glace du commerce, donc une glace vanille, spéculoos, chocolat, peu importe, que vous laissez légèrement ramollir et que vous mélangez à d'autres trucs. Exemple, glace vanille que vous laissez ramollir, vous prenez un petit peu de sirop de caramel du commerce, vous ajoutez des swirls de caramel là-dedans, vous mettez ça dans vos moules sans trop mélanger pour que vous ayez vraiment les lanières de caramel dedans, 4 euros congélo, et on a quelque chose qui est encore une autre option, un peu de pralin là-dedans, pourquoi pas, ça peut être sympa, ouais, ça peut être bon ça. Ouais. On met ça dans la glacière, dans le coffre de la voiture, on met une sirène, et on se fait un pognon. Oui. Dingue. Vous faites très bien la camionnette à glace. C'est la camionnette qui passe dans ma rue. Il faut aller très vite parce qu'il fonce comme une balle. Vous ne vous rendez pas compte qu'avec, je ne sais pas, aujourd'hui, les ambulants glaciers foncent vraiment comme des malades dans la rue. Il faut vraiment être sur le taquet pour les arrêter. Il faut déjà être dehors 5 minutes à l'avance. Mais oui, c'est vrai, il faut vraiment avoir l'oreille aux aguets. Sinon, ici, je vois une autre petite question qui peut être sympa. Chantal, peut-être, avec son. Oui, dites-moi. Avec ses boulettes de hareng. Ah oui, Chantal avec ses boulettes de hareng, ok, je pensais pas à celle-là, je pensais au petit gazpacho, on va y répondre juste après. Mais donc boulettes de hareng, effectivement Chantal veut faire des boulettes de hareng pour l'anniversaire de son mari. Boulettes de hareng, deux possibilités, voilà, aigre douce, deux possibilités. Soit c'est full hareng, soit c'est mélange pommes de terre hareng. Et ça c'est vraiment une question d'habitude et comme vous aimez. Moi j'aime bien la version un peu coupée avec la pomme de terre, mais c'est vraiment une question de goût. Si vous coupez avec la pomme de terre, à ce moment-là vous avez besoin de 500 g de hareng en filet, donc des filets entiers. Vous avez besoin d'avoir 350 g de pommes de terre, donc vous avez quand même une proportion de hareng qui est plus importante, des oignons, des échalotes, persil plat, vous pouvez ajouter là-dedans, une fois que tout ça est bien mixé, donc vos pommes de terre cuites mixées avec le hareng, vos petits oignons, échalotes que vous avez fait revenir, éventuellement avec un petit peu d'ail, avant dans la poêle que vous mettez là-dedans, des œufs, sel, poivre, un petit peu de chapelure, vous façonnez vos boulettes, vous les faites cuire dans une matière grasse, dans une poêle, et vous pouvez ajouter votre petite sauce aigre-douce. Alors si vous avez envie d'une petite sauce aigre-douce de base, on ne peut pas se tromper avec une sauce que vous allez légèrement allonger avec de la betterave, ça fonctionne tellement bien sur le hareng. Et donc là, en gros, vous avez simplement besoin d'avoir un petit fond, style fond de poisson, que vous faites réduire, que vous sucrez un tout petit peu. Vous pouvez la sucrer au miel, pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Et vous laissez bien bien réduire avant de crémer doucement et d'ajouter un petit peu de betterave sous vide. Petit morceau et une pointe mixée. Ça va vous faire cette sauce un peu rosée, qui est la sauce typique de la boulette de hareng, qui fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez ajouter une petite brunoise de pomme crue là-dedans, si vous aimez, et un zeste de citron. Et vous servez avec des petits morceaux de citron, des petits quartiers de citron qu'il n'y a plus qu'à mettre par-dessus. Une bonne petite pomme de terre fondante et on a quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà pour cette question de Chantal. Et puis il y avait du gazpacho vert, c'est oui, ça ? Oui, j'ai vu ça, une recette de BMJ. Alors, oui. J'aimerais une idée de gazpacho vert. Frais, rapide, original et pas cher. Frais, rapide, original et pas cher. Alors le gazpacho vert, j'aime bien. Et ce qui fonctionne bien, c'est un mélange d'avocat. Qui est une extrêmement bonne base pour on n'y pense pas, mais qui est une tellement bonne base pour les gazpachos. Un avocat que vous allez mixer avec un petit peu de concombre, c'est simplement pour le détendre un tout petit peu. Là-dedans, vous allez ajouter une tomate émondée. donc bien épépiné, la peau enlevée. Vous mixez ça avec, votre gazpacho va rester vert, mais vous allez lui donner une fraîcheur. Vous pouvez ajouter un petit peu d'herbe, et là-dedans je fais un mélange de menthe, de persil plat et de coriandre, et je finis avec quelques petites miettes de crabe par-dessus, éventuellement dans une petite quenelle de chèvre. Donc votre chèvre, style chavroux, hein, on s'ennuie pas, écrasé, petite miette de crabe de qualité, miette de crabe, sel, poivre, pourquoi pas rappeler encore un petit peu de persil plat là-dedans, une quenelle sur le gazpacho bien bien froid, et quelques beaux glaçons avec des herbes emprisonnées dedans. Et ça ne demande rien, mais ça vous fait une très belle entrée, sans que ce soit ni cher ni compliqué. Et fraîcheur dans la bouche. L'Aziza, un des derniers succès avant son grand départ, le dernier succès de Daniel Balavoine dans les années 80. 10h25, dans 5 minutes, le Tip Top arrive. C'est un grand succès de Daniel Balavoine. L'Aziza, ça devait être en 86, je pense, dans ces eaux-là. On accueille Stéphane Pieve. Bonjour Stéphane. Bonjour les Stéphane. Amis, comment ça va? Mais ça va et vous? Mais oui. Et dites donc, double cadeau aujourd'hui. Ah oui, double cadeau, la double ration. C'est bien. La double dose. La double dose. Jusqu'à plus fin. Bon, bah c'est parti pour le Tip Top. Voilà, le Tip Top, par exemple, il y a la compile des Diables et il y a le nouvel album de... Il y a surtout les Trois Mousquetaires, voilà, qui seront vos invités. C'est beau. Avec, ouais, Bruno Tumers, jusqu'à 13h. En mai prochain à Bruxelles. Hein, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. En mai prochain, en moins d'un an, à Forêt Nationale, exactement. Oh là là, combien de fois dormir? Combien de fois? Beaucoup. Plus ou moins 300 jours. On avait le temps, on compterait. Alors ça fait un, ça fait deux. Non. Ça fait le fameux sieste. Non, ça fait trop. Voici la bonne matinée en musique avec Stéphane Piebeuf, le Tip Top arrive. À bientôt. On vous embrasse. Et allez les Diables. Batico vous propose des maisons neuves, tout frais compris. Batico, plus qu'un nom, une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. Color Code, la mode prend des couleurs. Du 16 au 22 juin, ne manquez pas les 7 jours de prix fou dans vos Color Code de visée Accour, EY et Lonson. Profitez de prix vraiment fous sur des milliers d'articles. Rejoignez-nous sur Facebook. Pour faciliter vos achats, tous vos Color Code sont ouverts le dimanche. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dansez fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Hey Terence, ouais. Tu promets de pas le prendre mal. Dis toujours. Bon, vous, les Angry Birds, je crois que j'ai quelque chose qui va vous redonner le sourire. C'est ça, rêve tout. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Berlingo avec son coffre extra large et sa caméra de recul. Ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29 euros par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. Le Festival de Dour, un des plus grands festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Danak Hill, The Prodigy, Sigur Rós, Wiz Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be. Avec le soutien de Vivacité et La 2. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Qu'il est mignon. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. Sur Vivacité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous passez un bon week-end. Merci à Candice et à Steve qui viennent de quitter le studio avec toutes les bonnes odeurs de la cuisine. On va rester là-dedans jusqu'à 13h avant l'incontournable match des Diables Rouges et la victoire espérée de nos Diables tout à l'heure sur le coup de 15h. Vous êtes peut-être en train de préparer les écharpes, les vareuses, tout ça. Vous savez où vous allez aller voir le match, sur un écran géant ou tout simplement à la maison avec les amis, voir les voisins. Nous, eh bien, on va vous offrir cette compilation des Diables Rouges tout au long de cette matinée, mais ce n'est pas tout, ils seront vos invités, les trois mousquetaires Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann seront vos invités ce samedi au micro de Bruno Tumers, les trois mousquetaires qui seront d'ailleurs sur scène bientôt, dans un peu plus de 300 jours, dans un peu moins d'un an, le 6 mai prochain, le 6 mai 2017 à Forêt Nationale. Ce sera bien sûr un concert Vivacité, vous allez les rencontrer, vous allez aussi revivre cette célèbre épopée, la célèbre histoire d'Alexandre Dumas cet après-midi avec Bruno et les trois mousquetaires, à l'exception de D'Artagnan, quoique il sera peut-être également parmi les invités de Bruno tout à l'heure. Mais on va aussi remonter dans l'ordre des croissants et des petits pains au chocolat, le Tip Top Vivacité. Et la semaine dernière, souvenez-vous, c'était Julian Peretta le numéro 1. Conservera-t-il la pole position du Tip Top? Eh bien la réponse, ce sera un petit peu avant 13h. Il y a des gens qui partent, il y a des gens à qui il faut dire bye bye. Et on a enlevé deux Américains du classement, mais rassurez-vous, on a gagné les frites. Et parmi ceux qui s'en vont, il y a X Ambassadors. Au revoir aussi à 21 Pilots. Et on va quitter les États-Unis parce qu'on va commencer ce Tip Top avec le numéro 40, un groupe espagnol de Barcelone. C'est avec Yael que nous commençons.